الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Toujours dans la lecture et la traduction du livre Taysir al-Allam, شرح عمدة الأحكام de l'imam عبد الغني المقدسي et une explication du Sheikh Abdullah al-Bassam رحمه الله تعالى. Durant le dernier cours, on avait expliqué deux hadiths, c'est ça? Hadith de Abdullah ibn Omar dans le raccourcissement des prières et le hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu dans le premier chapitre, dans le premier hadith afwan du chapitre de Al-Jumu'ah du vendredi. Qui se propose pour nous réciter le hadith de Abdullah ibn Omar رضي الله تعالى عنه qui est le plus court. تفضل. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهما. احسنت بارك الله فيك. Le 130e hadith, le hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu, sur le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man hafidha? Sa'id? Arfan? Wata? Fata? An Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu, anna rijalan tamaru fi minbari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min ayyi udhin hu. فقال سهل من طفاء الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه فركع ونزل القهقرى حتى فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر فركع ونزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد ففرغ من صلاته ثم حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي أو البخاري ومسلم إنما صنعت هذا لتهتموا بي نعم نعم أحسنت. وفي لفظ أكمل وصلى وهو عليه ثم كبر وهو عليها ثم رفع عليها ثم نزل القهقرى. نعم أحسنت بارك الله فيك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي والثلاثون بعد المئة le 131e حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل رواه البخاري ومسلم. المعنى الإجمالي donc le 131e حديث. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui d'entre vous qui vient au vendredi, qu'il se lave. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-ma'na al-ijmali Al-ijtima'u li salati al-jumu'ati mashhadun azim wa majma'un kabirun min majami'i al-muslimin haythu ya'tuna li'adaiha min anha'i al-balad من أنحاء البلد التي يسكنونها ومثل هذا المحفل الذي يظهر فيه شعار الإسلام وأبهة المسلمين يكون الآتي إليه على أحسن هيئة وأطيب رائحة وأنظف جسم لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا عند الإتيان لها ولئلا يكون فيهم أوساخ وروائح يؤذون بها المصلين والملائكة الحاضرين لسماع الخطبة والذكر. Le sens général du hadith. Le rassemblement du vendredi est un rassemblement immense parmi les rassemblements des musulmans. Car les musulmans se rendent à ce rassemblement en venant de plusieurs contrées différentes qu'ils habitent. Et un rassemblement comme celui-ci, dans lequel l'emblème de l'islam est apparent et dans laquelle la splendeur des musulmans est éclatante, celui qui s'y rend, celui qui se rend à ce rassemblement, doit avoir la meilleure apparence et doit avoir la meilleure odeur et le corps le plus propre. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'il se lave lorsqu'il se rende à ce rassemblement, afin qu'il n'ait pas sur eux de la saleté ou des odeurs nauséabondes qui porteraient préjudice aux prieurs, mais aussi aux anges qui viennent assister à la khutbah et au rappel, au prêche et au rappel. اختلاف العلماء اختلف العلماء في غسل الجمعة فذهب الظاهرية إلى أنه واجب مستدلين بحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه وذهب الجمهور إلى استحبابه وأنه غير واجب مستدلين بحديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الخمسة قال ابن دقيق العيد ولا يقاوم سند هذا الحديث الأحاديث الموجبة وإن كان المشهور في سنده صحيحا وأجابوا عن الحديث الذي استدل به الظاهرية بأنه يفيد تأكيد السنية وأن معنى الواجب في الحديث الحق كما يقول أحد لأحد لك علي حق واجب أو أن ذلك في أول الإسلام يوم كان الصحابة يلبسون الثياب الثقيلة الخشنة ويعرقون فتظهر منهم الرائحة الكريهة فلما وسع الله عليهم ولبسوا خفيف الثياب نسخ الحكم من الوجوب إلى الاستحباب نسخ الحكم من الوجوب إلى الاستحباب أخرج أبو عوانة عن ابن عمر كان الناس يغدون في أعمالهم فإذا كانت الجمعة جاءوا عليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من جاء منكم الجمعة فليغتسل رواه بهذا اللفظ الأخير من جاء منكم الجمعة فليغتسل رواه البخاري ومسلم والنسائي والإمام أحمد. Donc la divergence des savants. Les savants ont divergé sur le lavage, le fait de se laver le vendredi. Al-Zahiriya sont de l'avis que cela est obligatoire. Et ils ont pour preuve un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « De se laver le jour du vendredi est une obligation pour toute personne pubère. » Pour toute pubère. Et la majorité des savants considèrent que cela est préférable, mais pas obligatoire. Et ils ont pour preuve le hadith de l'Hassan selon Samura radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait ses ablutions le jour du vendredi, alors cela est une bonne chose. Et celui qui se lave, alors de se laver est meilleur. » Alors, de se laver est meilleur. Et c'est un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, Al-Nasa'i, l'imam Ibn Majah, l'imam Ahmed dans son Musnad. Et c'est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. L'imam Ibn Daqiq Al-Aid, qui lui aussi a expliqué le livre Umdatul Ahkam de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi. Et quel est le titre du sharh de l'imam Daqiq al-Aid, Ibn Daqiq al-Aid, qui connaît Al-Uddah, Sharhul Umdah. L'imam Ibn Daqiq al-Aid, rahimahullah, a dit, et la chaîne de transmission de ce hadith ne vaut pas, n'a pas la même valeur que les chaînes de transmission des hadiths qui rendent le lavage du vendredi obligatoire. Même si la chaîne de transmission de ce hadith de Samoura a la réputation d'être authentique. Donc les deux hadiths sont authentiques, mais le hadith qui rend obligatoire le Jumu'ah est plus authentique. Le prophète Sarsam a dit que le lavage du vendredi est une obligation pour tout pubère. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et les savants qui considèrent que de se laver le vendredi n'est pas obligatoire mais préférable ont répondu au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ghuslu yawmi al-jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim » De se laver le jour du vendredi est une obligation pour tout pubère. Ils ont dit que cela prouve que c'est une sunna mu'akkada, mais non pas que c'est une obligation. Et ils ont pour preuve, en disant que le sens de wajib dans ce hadith, cela veut dire un droit, al-haq. Comme quelqu'un qui dit à un autre, tu as sur moi un droit. C'est-à-dire que tu m'es redevable. Cela est la première réponse apportée. Et ils ont une deuxième réponse également qu'ils apportent. Ils disent que ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été dit au début de l'islam. Lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam portaient des vêtements qui étaient épais. Donc, dans lesquels ils suaient beaucoup. Et ainsi, émanaient d'eux des odeurs nauséabondes. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité par la suite et qu'ils ont eu la possibilité de porter des vêtements plus fins, eh bien, le jugement de l'obligation a été abrogé par le jugement du fait que c'est préférable. Abu Awana rapporte de Abdullah ibn Umar que les gens, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, partaient le matin, travailler. Et lorsque l'heure du vendredi arrivait, ils se rendaient à la mosquée avec leurs vêtements tachés suite au travail. Et vous savez que le travail au temps du prophète Hassan, la plupart c'était labourer la terre, travailler la terre. Et ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vient d'entre vous, qui vient le vendredi, qu'il se lave. Donc les savants qui disent que le rosh du vendredi est préférable, ils ont pour preuve que cela était au début de l'islam, lorsque les compagnons portaient des vêtements épais, mais lorsque leur situation s'est améliorée, qu'ils avaient la possibilité d'acheter des vêtements plus fins, alors le jugement a changé. ثم قال شيخ البسام رحمه الله والحق أن هذه أجوبة غير ناهضة لتأويل الحديث عن ظاهره ولذا قال ابن القيم في الهدي ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة ووجوب الوضوء من مس النساء ومس الذكر ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويجب الغسل على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وقال البغوي في شرح السنة اختلف العلماء في وجوب غسل الجمعة مع اتفاقهم أن الصلاة جائزة من غير غسل ف فالأولى لمن ذهب إلى الجمعة أن لا يدع الغسل لأنه قد اتفق على مشروعيته وأدلة وجوبه قوية والاحتياط أحسن وأولى. قال الصنعاني: وهؤلاء أي الذين أولوا الحديث داروا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد، وذكر أن الجمع بين المعنى والتعبد متعين. Et Cheikh al-Bassam dit, et la vérité, wal-haqqu, est que toutes ces réponses ne suffisent pas à sortir le hadith de son sens apparent. Les réponses apportées par les savants qui considèrent que le ghusl est préférable et non obligatoire. Et il dit, rahimahullah, et c'est pour cela que l'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit dans son livre Al-Hadi, Al-Hadi qui est le livre de l'imam ibn al-Qayyim, Zadul Ma'ad fi Hadi Khayri al-Ibad. L'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit dans son livre Al-Hadi, et son obligation, c'est-à-dire l'obligation de faire, de se laver le vendredi, est plus forte que l'obligation du witr. Est plus forte que l'obligation de lire la basmala dans la prière, est plus forte que l'obligation de faire les ablutions après avoir touché sa femme ou avoir touché son organe génital. L'organe génital de la propre personne. Et l'obligation de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le dernier tashahhud. Donc l'avis de l'imam ibn al-Qayyim, c'est l'obligation. Et pour lui, c'est tellement obligatoire qu'il dit que, pour donner une image, que c'est plus obligatoire même que le witr. Entre autres, parmi les exemples qu'il a donnés. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, et il est obligatoire de se laver pour celui qui sue, ou celui qui dégage une odeur mauvaise qui porterait atteinte aux autres. Et l'imam al-Baghawi rahimahullah a dit dans son livre Sharh al-Sunnah, les savants ont divergé sur l'obligation de se laver le jour du vendredi. Mais ils sont tous d'accord qu'il est autorisé de prier même sans s'être lavé. Donc il y a une différence entre l'obligation de se laver et de prier pour celui qui ne s'est pas lavé. Même les savants qui considèrent que c'est obligatoire de se laver le vendredi lorsqu'on va à la mosquée, ils ne disent pas qu'il est interdit de prier pour celui qui ne s'est pas lavé. Donc il ne faut pas mélanger les différents sujets. Et le mieux pour celui qui se rend à la prière du vendredi de ne pas délaisser le lavage. Car les savants sont unanimes sur le fait que cela est légiféré. Et les preuves qui rendent ce lavage obligatoire sont fortes, et de prendre la précaution est ce qu'il y a de mieux à faire. De prendre ces précautions est ce qu'il y a de mieux à faire. Et cela est valable pour cet avis, mais pour les autres. Lorsque tu vois les savants qui divergent, eh bien, lorsque tu as la possibilité de sortir de la divergence, car il y a des sujets où tu ne peux pas sortir de la divergence. Tu es obligé de faire soit l'un, soit l'autre. Mais il y a des sujets comme celui-ci, où les savants ont divergé, est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est préférable, fais-le. Dans tous les cas, comme ça tu n'entres pas dans la divergence, car tous les savants sont d'accord qu'il est légiféré de se laver. Personne n'interdit de se laver le jour du vendredi. Et l'imam al-San'ani, rahimahullah, a dit, et cela, en parlant de ceux qui ont interprété le hadith, se sont attachés ou préoccupés du sens, mais n'ont pas fait attention au fait de préserver une adoration. Et le fait de rassembler entre le sens du hadith et l'adoration est une chose qui est connue de tous les savants. Al-ahkam al-makhouza min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. Awalan, ظاهر الحديث وجوب الغسل لصلاة الجمعة والأصل حمل الحديث على ظاهره وتقدم الخلاف في ذلك وأدلته. Premièrement, ce qui apparaît du hadith. Donc là, on parle du hadith d'Abdullah ibn Omar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ja'a minkum al-jumu'ata fal yaghtasil » que celui qui, que l'un d'entre vous qui se rend à la prière du vendredi, qu'il se lave. Première chose que l'on retient de ce hadith, c'est que ce qui apparaît de ce hadith est l'obligation de se laver pour la prière du vendredi. Et la base est de prendre le hadith dans son sens apparent. Et la divergence dans cela a été citée ainsi que ses preuves. Thaniyan, wa fihi dalilun ala anna al-ghusl yakunu lis-salah wa yuqaddamu 'alayha wa huwa as-sahih li'annahu maqsudun laha la liyawmiha khilafan lidh-dhahiriyyati alladhina yarawna anna al-ghusl yakfi wa law ba'da as-salah. Deuxièmement, il y a dans ce hadith une preuve que le ghusl se fait, on se lave pour la prière. Ainsi, le plus authentique est que le lavage, de se laver, on doit se laver avant de se rendre à la prière. Car on se lave pour la prière. On ne se lave pas parce que c'est le vendredi. On se lave parce qu'on va prier et non pas parce que c'est le vendredi, et ceci contrairement à Al-Zahiriya qui disent que le fait de se laver suffit le vendredi même après la prière. Même après la prière. Et le prophète a dit « Man ja'a minkum al-jumu'a falyaghtasil » celui d'entre vous qui se rend à la prière du vendredi, qu'il se lave. Autrement dit, qu'il se lave avant de venir. Thalithan, فيه دليل على أن الأفضل أن يكون الغسل قبيل الذهاب إلى صلاتها. Troisièmement, il y a également une preuve dans ce hadith que le mieux est de se laver juste avant de partir à la mosquée. Et de se laver juste avant de partir à la mosquée. رابعاً. Et sinon, pour celui qui ne peut pas se laver juste avant, il doit au minimum se laver après la prière du Fajr. Après la prière du Fajr. Car on doit se laver le jour du vendredi avant la prière, et non pas la nuit du vendredi. Parce que le jeudi soir, c'est la nuit du vendredi, ce n'est pas le jour du vendredi chez les Arabes. Rabi'an. من حكمة مشروعية هذا الاغتسال يستدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى مواطن العبادة والصلاة على أحسن حال وأجمل هيئة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد سورة الأعراف. Quatrièmement, parmi les sagesses de ce lavage du vendredi, on peut prendre pour preuve qu'il est demandé aux musulmans qui se rendent dans des endroits d'adoration et de prière de s'y rendre en ayant la meilleure apparence, et ceci conformément à la parole d'Allah Azzawajal dans Sourate Al-A'raf, le verset 31, selon le sens « Portez votre parure, c'est-à-dire vos vêtements, dans chaque lieu de prière. » Dans chaque lieu de prière. « خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدْ » خَامِسًا إِنَّ مَشْرُعِيَةَ الْغُسْلِ لِمَنْ أَرَادَ إِتْيَانَ الصَّلَاةِ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يُشْرَعُ لَهُ الْغُسْلِ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ لَفْظُ الْحَدِيثِ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةِ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ. Cinquièmement, que le lavage du vendredi est légiféré pour celui qui se rend à la prière. Quant à celui qui ne se rend pas à la prière, il ne lui est pas légiféré de se laver le vendredi. Et cela a été cité clairement dans une des versions du hadith rapportée par l'imam Ibn Khuzaymah dans son Sahih, lorsqu'il dit, où il rapporte la version où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et celui qui ne s'y rend pas, le lavage n'est pas pour lui obligatoire. Il n'a pas de lavage à faire. Pour celui qui ne s'y rend pas, il n'a pas de lavage à faire. Donc, le lavage du vendredi est légiféré pour celui qui se rend à la prière. Donc une femme, par exemple, qui n'a pas l'intention de prier le Jumu'ah à la mosquée, elle ne doit pas faire le ghusl en considérant que c'est le ghusl du vendredi. Si elle veut se laver parce qu'elle a besoin de se laver pour une autre raison, elle le fait, mais qu'elle ne pense pas faire le lavage du vendredi en espérant la récompense du lavage du vendredi. Non, cela est propre à celui qui se rend à la mosquée. Pareil pour le voyageur qui est sur sa route et pour lequel la prière du vendredi n'est pas obligatoire. Lui aussi, il ne doit pas, par exemple, s'arrêter dans un hôtel pour se laver parce que c'est le vendredi, alors qu'il n'a pas l'intention de se rendre à la mosquée. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والثلاثون بعد المئة. Le 132e hadith. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. رواه البخاري ومسلم وفي رواية فصل ركعتين رواه مسلم. Le 132e hadith. Selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, il dit qu'un homme est arrivé alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le minbar, était en train d'exhorter les gens le jour du vendredi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à cet homme en disant « As-tu prié, ô un tel ?» Il a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Lève-toi » et accomplit 2 unités de prière. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version rapportée par Muslim, lève-toi et prie 2 unités de prière. Al-Ma'na al-Ijmali. Le sens général du hadith. Dakhala Sulaykun al-Ghatafani al-Masjid al-Nabawi. Wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yakhtubu al-Nas. فجلس ليسمع الخطبة ولم يصلي تحية المسجد فما منعه تذكيره واشتغاله بالخطبة عن تعليمه بل خاطبه بقوله أصليت يا فلان في طرف المسجد قبل أن أراك؟ قال لا. فقال قم فاركع ركعتين. قال ذلك بمشهد عظيم ليعلم الرجل في وقت الحاجة ليعلم الرجل في وقت الحاجة وليكون التعليم عاما مشاعا بين الحاضرين. Le sens général du hadith. Sulayk al-Ghatafani. Dans d'autres versions du hadith, cet homme qui est rentré s'appelle Sulayk al-Ghatafani. Sulayk al-Ghatafani radiyallahu anhu est entré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait les gens le jour du vendredi. Il s'est alors assis pour écouter le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans au préalable avoir prié les 2 unités de prière du salut de la mosquée. Et le rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il soit occupé dans son prêche ne l'a pas empêché d'enseigner. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse et exhorte ses compagnons sur le minbar le jour du vendredi n'a pas empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'enseigner à ses compagnons. Au contraire, il s'est adressé à cet homme, à Sulayk al-Ghatafani radiyallahu anhu, en lui disant « As-tu prié, ô un tel ?» C'est-à-dire « As-tu prié dans un coin de la mosquée avant que je ne te voie ?» Avant que je ne te voie t'asseoir directement, il a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, lève-toi et accomplis 2 unités de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela devant une grande assemblée afin d'enseigner cet homme au moment où il en avait besoin. Car le tahiyat al-masjid, on l'a fait quand? Lorsque l'on rentre à la mosquée. Si on ne la fait pas, c'est à ce moment-là qu'on doit enseigner à la personne et dire attention, c'est maintenant que tu dois faire la prière. Car d'attendre une demi-heure ou 40 minutes après, il n'y aura pas de bénéfice à faire ces deux unités de prière. Donc ici, il y avait un besoin d'enseigner et de reprendre cet homme sur le champ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à cet homme au moment du besoin et également pour que cela soit un enseignement général pour l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient présents et qui assistaient au prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. اختلاف العلماء la divergence des savants. اختلاف العلماء في من دخل المسجد والخطيب يخطب هل يصلي تحية المسجد أو يجلس وينصت للإمام فذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إلى أن المشروع له الصلاة مستدلين بهذا الحديث وبحديث إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجلس ولا يصلي مستدلين بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وحديث إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت وأجاب المستحبون للصلاة عن الآية بأجوبة منها أن هذين الحديثين مخصصان لها على فرض إرادة الخطبة بها وكذلك مخصصان للحديث الآمر بالإنصات وأجاب أبو حنيفة ومالك عن حديث الباب بأجوبة واهية لا يركن إليها في عدم الأخذ بهذين الحديثين الصحيحين الصريحين ولذا قال الإمام النووي في شرح مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما قال هذا نص لا يتطرق إليه تأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه. La divergence des savants. Les savants ont divergé sur celui qui entre à la mosquée le jour du vendredi lorsque l'imam fait son prêche. Doit-il prier tahiyatul masjid, les deux unités de prière que l'on fait lorsque l'on entre à la mosquée, ou bien doit-il s'asseoir directement et écouter l'imam? L'imam Shafi'i, l'imam Ahmed et tous les gens du hadith disent qu'il est légiféré pour lui de prier. Et ils ont pour preuve le hadith que l'on explique actuellement, le hadith de Jabir ibn Abdillah, où le professeur Hassan a dit à cet homme, as-tu prié? Il a dit non. Le professeur Hassan lui a dit, lève-toi et accomplis deux unités de prière. C'est le premier hadith. Et le second hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous vient le jour du vendredi et que l'imam est en train de prêcher, qu'il fasse deux unités de prière. Le hadith est clair, il est authentique. Et donc ça c'est l'avis de l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed et les gens du hadith. L'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, eux sont de l'avis qu'il s'assied sans prier. Pour preuve, la parole d'Allah Azza wa Jal est lorsque l'on lit le Coran, écoutez-le, et taisez-vous. Écoutez-le et taisez-vous. Ils ont pour preuve ce verset et le hadith où le prophète sallam a dit, un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, si tu dis à ton compagnon tais-toi le jour du vendredi, tu as alors commis un acte de distraction. Faqad la raout. Et les savants qui disent que les deux unités de prière sont légiférées ont répondu à ceux qui ont pour preuve le verset où Allah Azzawajal dit « Wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu » Et lorsque l'on lit le Coran, écoutez-le et taisez-vous. Ils ont répondu en disant que les deux hadiths authentiques viennent spécifier ce verset en supposant ou en considérant que, effectivement, dans ce verset, c'était khutbat al-Jumu'ah qui était voulu. Allah Azza wa Jalla dit « Wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu » L'imam Malik et l'imam Abu Hanifa disent que ce verset parle de Jumu'ah. Il n'y a pas de preuve formelle dans cela. Mais les savants qui ont répondu à cette argumentation ont dit « Les deux hadiths viennent restreindre ce verset. » Et est-ce qu'un hadith peut restreindre un verset? Oui ou non? Non? Oui, non? Oui. Un hadith peut restreindre un verset. La preuve, Allah Azza wa Jal nous a interdit de manger la bête morte. Oui ou non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Uhillat lana maytatani wa daman » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nous sommes autorisés deux bêtes mortes. » Quelles sont ces deux bêtes mortes? Al-houtu wal-jarad. Le poisson et le criquet. Donc le poisson retrouvé mort, est-ce qu'on a le droit de le manger? Oui, le prophète Hassan dans Sahih Muslim a mangé de la baleine. Et les compagnons de Ranoum ont mangé une baleine qui était échouée pendant des mois. Au point que, pour montrer l'immensité de cette baleine, certains compagnons étaient rentrés dans l'orbite de l'œil de cette baleine. Tellement elle était immense. Donc cela a été rapporté dans les hadiths du prophète, dans la sunna. Mais il vient spécifier un verset du Coran. Donc, est-ce que des hadiths peuvent spécifier des versets du Coran? La réponse est et oui. Et donc, ils disent que les versets, les hadiths du prophète sallam qui montrent clairement que lorsque l'on entre à la mosquée le jour du vendredi, on doit faire deux unités de prière avant de s'asseoir, vient restreindre ce verset si, effectivement, ce verset fait allusion à la prière du vendredi. Et l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa ont répondu aux deux hadiths authentiques en donnant des interprétations, mais ici, Cheikh Al-Bassam dit que ce sont des réponses et des interprétations qui en aucun cas ne remettent en cause les deux hadiths authentiques et clairs que l'on a cités précédemment. Pour cela que l'imam Nawawi rahimahullah a dit dans son explication de Sahih Muslim, lorsque l'un d'entre vous vient et que l'imam fait son prêche, qu'il s'assied, qu'il fasse deux unités de prière et qu'il les fasse rapidement. Wal yatajawaz fihima, qu'il les fasse de façon accélérée. L'imam Nawawi a dit, ceci est un hadith, est un texte qui n'accepte aucune interprétation. Et il dit, rahimahullah, et je ne pense pas qu'un savant à qui ce hadith est parvenu dans ces termes et qu'il considère authentique, qu'il le contredise. Imam Nawawi a dit, je ne pense pas qu'un savant à qui un hadith comme celui-ci, qu'il vient de citer, dans ces termes-là, et que ce savant le considère authentique, car il peut, ce hadith peut arriver dans ces termes-là, mais que le savant ne le considère pas authentique après avoir étudié sa chaîne de transmission. Mais si, en le considérant authentique, il ne peut pas dire le contraire de ce hadith qui sont clairs et à la fois clairs et authentiques d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma yukhadhu min al-hadith. Awalan mashru'iyyatu khutbatay al-jum'ah wa anna hadha min shi'ariha alladhi يلزم الاتيان به. Premièrement, ce que l'on retient du hadith, qu'il est légiféré de faire deux prêches le jour du vendredi, et que ceci fait partie des emblèmes de la prière du vendredi qu'il est obligatoire de faire. Le prophète sallam a exhorté le jour du vendredi, donc le jour du vendredi on doit exhorter et on doit faire deux khutbah comme cela sera rapporté dans le hadith suivant. Thaniyan, istihbab rak'atay tahiyyat al-masjid wa ta'akkudha likawn an-nabi sallallahu alayhi wa sallam amara bil ityani biha hatta fi hadhihi al-hal. Deuxièmement, qu'il est recommandé de faire les deux unités de prière le jour du vendredi et que cela est fortement recommandé car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on le fasse même dans cette situation. Même quand l'homme est rentré, s'est assis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'exhorter, eh bien cela n'a pas empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de reprendre cet homme et de lui demander de accomplir ces deux unités de prière. ثالثا إن الجلوس الخفيف لا يذهب وقتها وسنيتها لأن الرجل جلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي. Troisièmement, l'assise courte ne prive pas d'accomplir les deux unités de prière. L'assise de courte durée qui aurait été faite avant d'accomplir les deux unités de prière lorsque l'on entre dans la mosquée n'empêche pas de faire ces deux unités de prière, car cet homme est rentré, il s'est assis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de se lever et de prier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que le fait qu'il s'assied un court instant ne le prive pas de rattraper son erreur. رابعا جواز الكلام حال الخطبة للخطيب ومن يخاطبه. Quatrièmement, on retient de ce hadith qu'il est autorisé pendant la khutba de s'adresser au khatib et également que celui à qui s'adresse l'imam réponde. Pendant la khutba, il est autorisé de parler, mais en s'adressant directement à l'imam. De même qu'il est autorisé de répondre à l'imam lorsqu'il nous parle pendant la khutbah Jumu'ah, lorsqu'il parle à une personne en particulier. خامساً أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن خطأ يراه في أي حال. Cinquièmement, que le prophète صلى الله عليه وسلم ne se tait pas face à une erreur qu'il voit, et ceci quelles que soient les circonstances. Quelle que soit la situation. سادسا أن لا يزيد في الصلاة على ركعتين لأنه لا بد من الإنصات للخطيب. Sixièmement, on retient de ce hadith que celui qui accomplit, qui prie, ne doit pas dépasser le nombre de deux raka'at, car il est obligatoire pour lui d'écouter l'imam, d'écouter le prêcheur. Est-ce que c'est clair ? طيب الحديث الثالث والثلاثون بعد المئة le 133e حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس رواه البخاري ومسلم. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le prêche, il faisait deux prêches en étant debout. Et il séparait les deux prêches par une assise. Apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et je vous dis tout de suite que c'est une erreur de l'auteur d'avoir cité ces termes et de les avoir attribués à Al-Bukhari et à l'imam Muslim, comme le Cheikh va le citer par la suite, que c'est une erreur de l'auteur Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, mais que les termes du hadith rapportés par Al-Bukhari et Muslim sont autres, et Al-Imam Cheikh Al-Bassam les cite en disant kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakhtubu yawm al-jum'ati qa'iman yajlisu thumma yaqum كما يفعلون الآن. Le hadith d'Abdullah ibn Omar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le prêche le jour du vendredi debout, il s'asseyait puis se levait comme ils le font maintenant. Comme ils le font maintenant. Donc, le hadith en ces termes n'est pas rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais il y a des termes similaires mais rapportés par l'imam Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala. Le sens général du hadith. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yakhutubu an-nas yawm al-jumu'ah khutbatayn. يوجههم فيهما إلى الخير ويجزرهم عن الشر ويزجرهم عن الشر وكان يأتي بالخطبتين وهو قائم على المنبر ليكون أبلغ في تعليمهم ووعظهم ولما في القيام من إظهار قوة الإسلام وأبهته فإذا فرغ من الخطبة الأولى جلس جلسة خفيفة ليستريح فيفصل الأولى عن الثانية ثم يقوم فيخطب الثانية. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le prêche du vendredi, faisait deux prêches du vendredi. S'adresser aux gens et exhorter les gens à travers deux prêches. Des prêches dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait et dirigeait les gens vers le bien et les faisait éloigner du mal. Et le prophète alayhi salatu wassalam faisait ces deux prêches en étant debout sur le minbar, pour que cela ait plus d'impact dans l'enseignement des gens et dans leur exhortation. Et parce que dans la position debout, on montre la force et la splendeur de l'islam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait le premier prêche, il s'asseyait, il faisait une assise courte afin de se reposer et également afin de distinguer entre le premier prêche et le second, puis il se levait pour accomplir le deuxième prêche sallallahu alayhi wa sallam. Ma yukhadhu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. Awalan, wujub al-khutbatayn fi al-jumu'ati qabla as-salah. وأنهما شرطان لصحتها قال الحلبي لم ينقل أنه صلها بلا خطبة ولو كان جائزا لفعله ولو مرة لبيان الجواز والوجوب هو مذهب عامة العلماء. Premièrement, on retient de ce hadith l'obligation des deux khutbah le jour du vendredi avant la prière. Et quelles sont deux conditions pour la validité de la prière du vendredi? Al-Halabi a dit, il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière du vendredi sans khutbah. Et si cela était autorisé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait, ne serait-ce qu'une fois pour montrer l'autorisation. Et l'obligation de ces deux prêches et l'avis de l'ensemble des savants. ثانيا استحباب قيام الخطيب في الخطبتين ومذهب الشافعي وجوب القيام مع القدرة. Deuxièmement, ce que l'on retient de ce hadith, c'est qu'il est préférable pour l'imam, pour le khatib, pour le prêcheur, d'être debout pendant les deux khutbah. Et l'avis de l'imam Shafi'i, c'est qu'il faut obligatoirement être debout pour celui qui en a la possibilité. ثالثا استحباب الجلوس اليسير بين الخطبتين للفصل بينهما وأوجبه بعض العلماء والجمهور على أنه سنة لا واجب. Troisièmement, qu'il est préférable de s'asseoir, de faire une assise brève entre les deux khutbah afin de les séparer. Et certains savants ont considéré cette assise comme étant obligatoire, mais la majorité des savants considèrent que c'est une sunnah, que c'est préférable, recommandé, mais non obligatoire. Fa'idha, قال ابن دقيق العيد, وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين. قال ابن حجر في الفتح وللنساء والدار قتني من هذا الوجه كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس وغفل صاحب العمدة فعزى هذا اللفظ للصحيحين. Donc la remarque qui est en rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure, l'imam ibn Daqiq al-Aid rahimahullah a dit, et ces termes du hadith qu'a cité l'auteur, je ne les ai pas trouvés dans ces termes dans les deux sahih. Et al-Hafid ibn Hajar rahimahullah a dit dans Fath al-Bari, et al-Nasa'i et l'imam ad-Dharqutni ont rapporté un hadith semblable à ces termes, kana yakhtubu, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait le prêche du vendredi en faisant deux prêches debout, et il séparait ces deux prêches par une assise. Wa ghafala sahibul umda fa'aza hadha al-lafz lis-sahihayn. Et l'auteur de al-umda, à savoir l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, a été distrait et a attribué ces termes du hadith aux deux sahih rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Et comme je l'ai dit, ce hadith est rapporté uniquement par Al-Bukhari, par l'imam Al-Nasa'i, l'imam Abu Daoud et l'imam Ibn Majah. Qultu, wa bihadha yatabayyana anna al-hadith lam yarid fi al-sahihayn bihadha al-lafz, wa innama warada bilafzin akhar. وهو من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما يجلس ثم يقوم كما يفعلون الآن. Et je dis, c'est-à-dire Cheikh Al-Bassam, et de cela apparaît que ce hadith n'est pas rapporté dans les deux sahih en ces termes, mais il était rapporté par d'autres termes, qui est le hadith de Abdullah ibn Umar, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les prêches le jour du vendredi debout, puis s'asseyait, puis se levait, kama yaf'alun al-an. Qui dit cela? Abdullah ibn Umar, comme ils le font maintenant, en parlant des prêcheurs actuels de son époque, radiyallahu ta'ala anhu. Et cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'autre est rapporté uniquement par Al-Bukhari dans ces termes. فائدة ثانية قال ابن القيم ما خلاصته كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه وكان يقصر الخطبة ليطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلمات الجوامع ويعلم أصحابه قواعد الإسلام ويعلم أصحابه قواعد الإسلام وكان يشير بالسبابة عند ذكر الله ودعائه وكان يأمرهم بالدنو والإنصات وينهى عن تخطي رقاب الناس وكان إذا فرغ بلال من الأذان شرع صلى الله عليه وسلم في الخطبة. Et une deuxième remarque apportée par Cheikh Al-Bassam, il dit que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, en résumé, qu'il résume la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, et je pense que c'est un résumé de ce qu'a dit l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Zadul Ma'ad, car ainsi il parlait dans son livre rahimahullah ta'ala. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, en résumé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il exhortait, lorsqu'il faisait le prêche du vendredi, ses yeux devenaient rouges. Il élevait sa voix et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère. Il raccourcissait son prêche pour allonger sa prière. Il faisait dans son prêche beaucoup de dhikr et utilisait dans son prêche des paroles brèves mais qui comportent beaucoup de sens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses prêches, enseignait à ses compagnons les règles de l'islam. Et il faisait un signe avec son index lorsqu'il prononçait le nom d'Allah ou lorsqu'il l'invoquait. Et il ordonnait à ses compagnons, radiyallahu anhum, de s'approcher de lui et d'écouter. وَيَنْهَا عَنْ تَخَطِّ رِقَابِ النَّاسِ. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, interdisait que l'on chevauche, entrechevauche les gens au-dessus de leur épaule. Et lorsque Bilal terminait l'adhan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait la khutbah. Donc lorsque Bilal radiallahu anhu terminait l'adhan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enchaînait directement par la khutbah. On actifie bihad al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.